On se dit souvent que les experts en gestion privée, c'est pour les autres. Parce que financer les études de ses enfants à l'étranger, avoir une entreprise, acheter sa résidence secondaire ou optimiser sa fiscalité, c'est aussi réservé aux autres, bien entendu. Mais si jamais vous découvrez que les situations des autres, eh bien, ce sont aussi les vôtres, alors vous avez sans doute besoin d'un expert en gestion privée. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Mercredi soir à 20h45, France 3 diffusera un nouveau numéro de L'Ombre d'un doute consacré à Vienne, la capitale autrichienne. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous y retrouverons un certain nombre de Viennois, Marie-Antoinette, Sissi, mais aussi Klimt, Freud. J'en profiterai pour vous faire visiter le palais de Schönbrunn et l'opéra de Vienne. Ça, c'était magnifique à faire, pour tout vous dire. Et vendredi dernier, le 25 avril, le Portugal a célébré le 40e anniversaire de la révolution des œillets. Franck Ferrand, vous avez décidé aujourd'hui de revenir sur cet événement de l'histoire contemporaine. Oui, et c'est l'occasion de saluer tous nos auditeurs portugais ou d'origine portugaise. Et je vais même m'offrir le luxe, je le disais à l'instant, une fois n'est pas coutume, de dire avec une heure d'avance, bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. C'est en effet Elena qui m'a suggéré de consacrer une émission à cet anniversaire. C'est une très bonne idée. Elle est donc avec nous dans ce studio, de même que Victor Pereira, qui est l'auteur d'un ouvrage sur l'immigration portugaise en France à l'époque de Salazar. Et je signale que tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Selma, qui nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Selma voudrait connaître l'origine de l'adjectif draconien. Voilà qui ne nous éloigne pas tellement de Salazar. Pour le moment, retour 40 ans en arrière, lorsque le Portugal faisait sa révolution. Europe 1, au cœur de l'histoire. Du Portugal, nous avons volontiers une image un peu facile, pittoresque, voire touristique. Il y entre quelques grands navigateurs, la légende de Sébastien, le roi caché, et quelques sites phares comme les bords du Tage à Lisbonne avec la tour de Belém, l'escalier baroque du Bom Jesus ou à Sesta Braga, et puis le lien extraordinaire, cette espèce de site de pèlerinage de Fatima. Je vous fais grâce des azulejos et des recettes à base de morue séchée. Le Portugal nous parle surtout par sa douceur, fausse douceur, et par cette nostalgie qu'on appelle saudade et qui transparaît dans un genre musical poignant, le fado. Aujourd'hui, la communauté portugaise en France est très nombreuse. Les luso-descendants, c'est-à-dire toutes les personnes qui descendent de racines portugaises, sont bien plus de 3 millions en France. Mais c'est une communauté si bien intégrée qu'elle finit par se dissoudre un peu, au détriment même de sa culture. Cette immigration portugaise a été en partie le fruit d'un régime et d'un homme qui, près d'un demi-siècle durant, ont tenu le Portugal sous une férule. Je veux parler de la dictature du président Oliveira Salazar. Vous voyez à peu près la taille du Portugal, c'est un cinquième de la France, environ 90 000 km². Mais, et c'est très important pour les événements que nous allons évoquer maintenant, ce sont 2 millions de km² de colonies africaines. Et ces colonies vont jouer un rôle absolument décisif. Donc, il y a 40 ans, le 25 avril 1974, a lieu un coup d'État militaire mené par un officier de 37 ans qui venait de servir en Angola et en Guinée, donc dans des pays colonisés par le Portugal, Otelo Saraiva de Carvalho. On occupe la radio, la télévision, le quartier général, l'aéroport, les ministères situés sur la place du Terreiro de Pazo. Alors je précise tout de suite que je ne suis pas du tout lusophone, moi, donc je vais sans doute commettre un grand nombre d'erreurs dans les prononciations de noms propres cet après-midi. N'encombrez pas le standard avec vos récriminations, je plaide tout de suite coupable. Pour Yves Léonard, qui est un chercheur associé au Centre d'Histoire de Sciences Po, le Portugal, en 1974, passait de l'ombre à la lumière. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est ce que nous allons essayer de voir, bien sûr, dans le cours de cette heure. Le mouvement révolutionnaire puisait des racines assez anciennes, évidemment, mais il faut bien dire que c'est du jour au lendemain que le Portugal décide de tourner la page de ce régime autoritaire du président Salazar. Alors, attention, on a beaucoup dit vendredi dernier, au moment du 40e anniversaire, le jour même du 40e anniversaire, j'ai entendu, moi, à plusieurs reprises, que la révolution avait chassé Salazar du pouvoir. C'est totalement faux, évidemment, sur un plan historique, puisque il se trouve que Oliveira Salazar était mort depuis 4 ans au moment du coup d'État. Il était mort en 1970. Mais le régime, lui, se prolongeait d'une certaine manière. Manuel de Nascimento, dans La révolution des œillets au Portugal, écrit « Le Portugal détient le record de la dictature la plus longue d'Europe durant le XXe siècle. Elle dura près d'un demi-siècle, en effet, 48 ans. 48 ans de règne sans partage de cet Oliveira Salazar, qui était né en 1880, qui meurt donc en 1970. Il était né dans une famille paysanne, Salazar. Il était d'ailleurs extrêmement fier de ses racines rurales, famille modeste. Il était né à Vimieiro, à 40 km de Coimbra, donc on est vraiment dans le cœur, au centre du pays. C'était un professeur, au départ prof d'éco, d'économie politique à l'université de Coimbra. Et d'ailleurs, il restait très fidèle à ses racines. Il allait passer toutes ses vacances. Et quand je dis ses vacances, il était même en fait très souvent en résidence à Vimieiro. C'est un homme qui, non seulement passait beaucoup de temps à la campagne, mais disait volontiers, ça faisait peut-être partie de la communication, si j'ose cet anachronisme, il disait volontiers qu'il n'aimait pas la ville. Tout au long de sa vie, nous dit Yves Léonard, Salazar reste en son fort intérieur un rural de la Beira. Je sais pas si on dit ça comme ça, la Beira. Oui, ben voilà, je vois des assentiments sur ma gauche. Travailleur et même dur à la tâche, mais aussi d'une exceptionnelle rouerie dans certaines circonstances. Un rural orgueilleux, fier de sa connaissance des langues étrangères. Il s'exprime parfaitement en français, notamment, et de sa réussite universitaire. Un homme conscient de sa supériorité intellectuelle. Vous savez, de ces gens dont on pourrait dire qu'ils sont des self-made men et qu'ils ont une sorte de fierté de ce qu'ils ont accompli, qui donnait à Salazar évidemment une espèce d'assurance absolument extraordinaire. Il faut lire, je l'ai fait pour préparer cette émission, il faut relire des entretiens qu'il donnait dans les années 60 à la presse française notamment. Il ne doute de rien, il était vraiment très avec une espèce de fausse bonhomie. Voilà quelqu'un qui était très content, très sûr de lui d'une certaine manière. Alors il avait d'abord, il faut le savoir, été député du Centre catholique en 1921. Il avait peu siégé à la Chambre parce que en fait il ne supportait pas tous les compromis du parlementarisme républicain. Et en parallèle, il avait organisé tout un réseau personnel d'influence et déjà il prônait des idées qui mêlaient la distanciation vis-à-vis du parlementarisme, un certain paternalisme qui deviendra littéralement sa marque de fabrique et puis cette espèce de conservatisme social qu'il va imprimer sur les institutions portugaises. Salazar n'aime pas la ville, je vous l'ai dit, n'aime pas non plus la foule. C'est pas un entraîneur d'hommes. C'est vrai qu'il arrive au pouvoir dans des années qui sont celles du fascisme en Italie, qui seront bientôt celles du nazisme en Allemagne, et puis tout près celles du franquisme un petit peu plus tard en Espagne. Mais il n'y a pas chez Salazar cette espèce de charisme extraordinaire qui était ceux de Hitler et de Mussolini, et dans une moindre mesure de Franco. Le coup d'État a lieu en 1926 au Portugal. Le maréchal Gomes da Costa arrive donc au pouvoir. Salazar est alors ministre des Finances, soutenu par les catholiques. Il va rester que cinq jours dans son ministère. Les conditions qu'il avait posées pour l'accomplissement d'une réforme administrative n'ont pas été acceptées, donc il s'en va. Il sera rappelé aux finances en 28, et cette fois le gouvernement accepte ses conditions. Et dans son premier discours, voici ce qu'il déclare. Je sais exactement ce que je veux et où je vais. Je donnerai au pays tous les éléments nécessaires pour apprécier au fur et à mesure la situation, que le pays discute, que le pays étudie, que le pays fasse des représentations, sous-entendu autant qu'il voudra, mais que le pays obéisse lorsque j'ordonnerai. Voilà des termes qui ne souffrent guère la contradiction. 4 ans plus tard, en 1932, il devient président du Conseil. Donc ce personnage rural, un peu distant, très solitaire, on ne connaît pas beaucoup d'amis autour de lui, pas de femme dans son entourage, il n'est pas marié, si ce n'est avec la patrie, comme disent les journaux évidemment officiels de l'époque. Sa seule compagne, finalement, c'est sa gouvernante, Maria, qui est très présente, qui est là toujours, auprès de lui. Il devient donc président du Conseil, il reste seul au pouvoir. Voilà ce que nous dit le Larousse. Salazar va gérer le pays comme un père de famille autoritaire et traditionnaliste qui certes le maintient à l'abri des guerres, mais qui le laisse tel qu'il l'a reçu. Il n'y a aucune volonté d'innovation chez cet homme-là et dans le régime qu'il instaure. La politique économique est resserrée, pas de grands investissements industriels, pas de grands travaux de génie agricole ni d'investissements scolaires. Il va privilégier Salazar, il privilégie la production nationale, notamment pour l'autosuffisance alimentaire, production de céréales notamment, avec surtout la mise en place d'un État policier, disons-le, cette police internationale de défense de l'État qui s'installe, qui va évidemment acquérir très vite une sinistre réputation, un État policier entièrement voué d'une certaine façon à ce qui, aux yeux de Salazar, prime sur toute autre considération, l'ordre. Prendo la Villa Morena, terra da fraternidad. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Afonso Sozec, un extrait de Grandola Villa Morena, à l'instant sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la Révolution des œillets. Cette chanson, Grandola Villa Morena, on aura l'occasion d'y revenir, parce que ça a été le champ de ralliement de cette fameuse révolution de 1974, et c'est de là que tout est parti. Mais revenons quelques instants sur le régime de Salazar, pour comprendre d'où tout cela vient. Il faut vous dire que Salazar avait évolué quand même un petit peu avec le temps, notamment dans l'après-guerre. À partir des années 50, c'est la fin de ce qu'on a appelé le salazarisme, oui, au sens étroit. Salazar revoit un peu son plan économique. En 53, notamment, le Portugal commence à s'industrialiser. On fait appel à des capitaux étrangers. Salazar renforce sa politique d'intégration dans les colonies. Ça, c'est fondamental. Il déclarait en 33, l'Angola, le Mozambique et l'Inde sont sous l'autorité unique de l'État, exactement comme le Mino ou la Beira. Nous sommes une unité juridique et politique. Par rapport aux autres pays, nous sommes une unité, une seule, la même partout. Donc, c'était une vision totalement holiste, en quelque sorte, de ces territoires coloniaux. Eh bien, peu à peu, ils ont été transformés, ces territoires. Ils sont devenus des provinces d'outre-mer auxquelles on a accordé, sinon une autonomie, ce serait très excessif, mais en tout cas une certaine marge de manœuvre. Avec en 61 une crise, ça a été le début de l'insurrection en Angola, en février 61, la perte de Goa, d'Aman, de Diou, qui ont été annexés par la nouvelle République indienne, Fédération de l'Inde. Les opérations également, des opérations militaires en Guinée en 63, au sein du Mozambique, depuis 64. Bref, ça bouge beaucoup, bien entendu, dans l'empire colonial portugais, comme dans tous les empires coloniaux, évidemment. Et Salazar met de gros moyens pour défendre les colonies. C'est assez étonnant de voir qu'un homme qui, justement, a cette vision hyper traditionnaliste, mais d'ailleurs, la comparaison est tout à fait possible, c'est vraiment travail, famille, patrie, vous voyez. Eh bien, c'est assez étonnant de voir que ce régime-là s'arc-boute littéralement sur l'empire colonial et va mobiliser jusqu'à 140 000 soldats pour défendre les différentes parcelles de l'empire. Ça représente, c'est allé jusqu'à représenter plus du quart des dépenses de l'État. C'est-à-dire que ça devient, on se demande si au bout d'un moment le Portugal ne travaille pas pour tenir des colonies, vous voyez, et les tenir en plus d'une façon extrêmement difficile. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'apparaît cette fuite massive, notamment des plus jeunes, hein, qui vont s'exiler. Alors, bien sûr, les intellectuels, vous imaginez qu'il reste de moins en moins de journalistes, de poètes, de peintres, de politiciens, etc. Mais aussi, d'une façon plus générale, il y a une émigration massive sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure, qui va être le centre même de notre discussion dans la deuxième partie de cette émission. Alors, Salazar va peu à peu se mettre en marge de la vie politique. On avait vu son régime évoluer, ça c'est certain. Et puis alors, à partir de 1968, lui-même, bon, il a un accident, il a fait un AVC en septembre 68, et à ce moment-là, il va installer sa succession, si je puis dire. Il va la préparer, il installe Marcelo Caetano, qui est également un prof de droit, considéré un peu comme le père du droit administratif portugais, un homme de 62 ans, dont le moins qu'on puisse dire qu'il n'est pas un révolutionnaire, et qui est nommé par le chef de l'État officiel, l'amiral Américo Thomas. On peut pas dire qu'on observe, après le départ de Salazar, et même après sa mort en 1970, il meurt en juillet 1970, on peut pas dire qu'on observe de grands changements politiques. Le nouveau gouvernement s'efforce d'incarner, je cite, une évolution dans la continuité. C'est le changement dans la continuité du président Giscard d'Estaing, toute proportion et toute situation gardée, bien entendu. On a évidemment la volonté de prolonger l'œuvre, parce que c'est vraiment conçu comme tel, de Salazar, mais en essayant de moderniser à la marge le Portugal. Et encore, je suis gentil en disant ça. Voilà le premier message de Marcelo Caetano. Il dit « Depuis de longues années, le pays s'est habitué à être conduit par un homme de génie. » Ça, c'est pour la critique. « Désormais, il devra se contenter de gouvernants qui seront des hommes comme les autres. » Mais au moins, il était conscient de son état, ce monsieur. Évidemment, vous imaginez le désenchantement dans l'ensemble de la population dans les années qui suivent. Caetano est de plus en plus isolé, avec le décès de son épouse, ses propres soucis de santé, un désastre, une espèce de marasme économique généralisé, une opposition qui, souvent en exil, lui mène néanmoins la vie dure. Il y a toujours la censure, bien sûr, il y a toujours cette police politique, la lapide, qui joue un rôle essentiel, bien entendu, mais on voit naître des organisations, et à l'automne 1973, l'opposition se renforce considérablement, elle va se regrouper au sein du mouvement des forces armées, les forces armées portugaises, le MFA, et là, la critique se cristallise chez les officiers combattants de cette guerre coloniale. Vous savez, les militaires se rendent bien compte qu'il n'est pas possible de remporter une victoire dans tous ces conflits coloniaux. Ils sont d'autant plus populaires que les modes de recrutement ont changé dans l'armée. Il y a une véritable revendication de l'ensemble de la population autour de la question du pouvoir d'achat, revendication qui est reprise par un certain nombre de militaires. Et en 73, il faut quand même dire que ce pouvoir d'achat est inférieur de moitié à ce qu'il était en 1960, avec une inflation de 22%. Donc on peut comprendre aussi, on peut comprendre ce qui se passe. Ça arrive à les Carvalho dont je vous parlais, mais un certain nombre d'autres vont mener le mouvement. Ils s'appuient pour leurs revendications sur le prestige de figures emblématiques, notamment le chef d'état-major, le général Costa Gomes, et puis son adjoint, le général au monocle, comme on va l'appeler, Antonio de Spinola, qui est l'ancien commandant en chef en Guinée. Spinola a été destitué avec son chef en février 1974. Pourquoi ? Parce qu'il appelait à la formation autour du Portugal d'une fédération d'états autonomes. Il était tout simplement lucide sur ce qui, sur la situation réelle de l'empire colonial, et ça lui avait valu une mise à pied, même pire que ça, une destitution. Et vous comprenez donc que, ça c'est suffisamment rare pour être souligné, l'armée dans cette affaire va prendre parti, si j'ose dire, pour la population, pour l'évolution et même bientôt pour la révolution. C'est d'ailleurs la protection d'un certain nombre de généraux qui font que le mouvement, dans un premier temps, va échapper à la répression. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand, hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur la révolution des œillets au Portugal. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la révolution des œillets au Portugal. Oui, en fait, j'avais complètement oublié que oui. Vous aussi, oui. Céline. En fait, il n'y a que des descendants de Portugais dans ce studio, à part moi. Bon, bah, écoutez, vous êtes en très forte majorité. J'espère que vous serez indulgent avec mes fautes de prononciation. J'ai vous dit vous Mino, en sortez très bien, Mino. Hein, vraiment. Enfin bon, bah, je fais ce que je peux. Hein. La révolution en tant que telle, elle commence donc le 24 avril 1974 à 11h-5 du soir. quoi. En fait, c'est personne n'y croyait à cette révolution. Vous savez, les services secrets français avaient fait un rapport pour dire que non, il n'y avait aucun danger de révolution au Portugal. Les Allemands ont été informés le 24 avril qu'il allait se passer vraiment quelque chose très vite. C'est le socialiste Mario Soares, à l'époque en exil à Paris depuis 1970 et qui avait été invité du chancelier Willy Brandt et du SPD, qui les a avertis que les choses allaient se précipiter et qu'ils devraient aider le mouvement portugais pour empêcher le déferlement d'une vague communiste, avait-il dit. Et il a été traité par ses camarades socialistes allemands d'idéalistes. Les Allemands avaient, eux, des rapports de l'OTAN qui disaient qu'il n'y avait aucun projet de révolution sérieux au Portugal. Eh bien si, cette révolution commence donc à 22h55, une action préparée comme une opération militaire, occupation donc de la radio, de la télé, du quartier général de l'aéroport, des ministères situés autour de la place principale de Lisbonne. Carvalho, il faut dire ça bien, donc il a servi, je vous l'ai dit, en Angola et en Guinée, gère l'opération. Et sur Radio Club Portugaise, cette chanson et après l'adieu, c'est la traduction française, qui est diffusée sur Radio Renaissance. On va dire, on diffuse donc Randola Villa Morena à partir de minuit environ. Et ce sont des signes, si vous voulez, hein, ce sont des signes de ralliement. Les paroles de la chanson sont intéressantes. Randola Ville brune, terre de fraternité, seul le peuple commande dans ton enceinte. Aux cités, la chanson est chantée par José Zeca Alfonso, qui est un opposant au régime, qui a été d'ailleurs emprisonné quelques semaines au printemps 1973. C'est donc le signal du début des actions. 150 officiers, 2000 soldats vont vite défiler dans les rues de Lisbonne, mais aussi dans un certain nombre de villes importantes du Portugal. Aucune force aérienne ou navale n'est impliquée, il faut le souligner. Ça aura ça des répercussions par ailleurs. Le coup d'État se fonde sur des principes militaires très simples, hein, la surprise, la coordination, la concentration des forces, bien entendu. Et l'ancien état-major, l'ancien commandement de l'armée, est évidemment arrêté. Alors, les choses se précipitent. À 4h26 du matin, premier communiqué du MFA, hein, ce mouvement diffusé sur Radio Club portugais, qui demande à la population de rester chez elle et s'adresse aux forces armées qui n'ont pas encore pris position et requièrent une prudence réfléchie. Il y aura comme ça un certain nombre d'autres communiqués. Il n'y a pas tellement de réaction des forces au pouvoir, du reste. À 6 heures, on peut dire que le pouvoir s'enfuit, puisque Marcelo Caetano, notamment, se réfugie à la caserne du Carmo, sous la protection de l'Internationale républicaine. À 6h30, la population se réveille et découvre la situation. C'est une espèce d'incompréhension, d'ailleurs. La radio diffuse de la musique militaire, et puis des messages qui sont des appels au calme. À 7h20, la télévision va enfin diffuser les premières images sur la radio-télé portugaise, hein, la RTP. On diffuse des images de militaires qui expliquent la situation. La population n'écoute pas les communiqués parce que ce qu'elle veut, cette population, c'est se réunir, se rassembler, voir les choses de ses propres yeux. Et ça va être le début de ce mouvement de foule extraordinaire. À 9h, c'est la confusion générale. Il y a des échanges de coups de feu auprès du ministère de la Marine. Une certaine tension, bien entendu, et les rumeurs commencent à circuler. On aurait arrêté le général Antonio de Spinola, les pays frontaliers auraient été appelés à l'aide par le gouvernement encore en place, officiellement. C'est à 13h30 que la direction générale de la sécurité, la police du régime, envoie ses premières grandes menaces. Là, la situation s'envenime réellement et toute la journée, il y aura des négociations, etc. Voici ce qu'on pouvait entendre sur l'antenne d'Europe 1 à cette époque. Il est 15h, ce 25 avril 1974. Il y a une grande confusion. Le mouvement des forces armées a l'air de contrôler la situation. Ici à Lisbonne, maintenant, le problème principal à ce moment, c'est une espèce d'encerclement du siège de la garde nationale républicaine. Ouais, et on n'a aucun nom de personne qui se trouve à la tête de ce mouvement. Jusqu'à maintenant, rien. On ne sait pas très bien ce qu'ils veulent, bien que ça a l'air d'être à gauche du gouvernement, honnêtement. Ça, j'en suis pas très sûr. Et comment réagit la population? Il y a une place très centrale à Lisbonne qui a été prise, mais quand les soldats ont laissé la population entrer dans cette place, tout le monde a chanté l'hymne national et il y a une espèce de camaradage entre les soldats et le peuple. Il était donc 15h sur Europe 1 ce 25 avril 1974. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et vous nous parlez aujourd'hui, Franck Ferrand, de la révolution des œillets au Portugal. Mais oui, il est 20h05 ce 25 avril, au moment où le régime cède, c'est l'annonce par le MFA de la chute du régime dans le communiqué suivant. Le mouvement des forces armées, qui vient d'accomplir avec succès la plus importante des missions civiques des dernières années de notre histoire, proclame devant la nation son intention de mener à bien, jusqu'à sa complète réalisation, un programme de sauvetage du pays et de restitution au peuple portugais des libertés civiques dont il a été privé. À cette fin, il confie le gouvernement à une junte de salut national. Il est 1h30 du matin, donc dans la nuit du 25 au 26, lorsque Spinola prend à son tour la parole à la télévision pour se présenter comme le président de la fameuse junte de salut national. Il annonce une prochaine élection au suffrage universel d'une assemblée nationale constituante, d'un président de la République, et tout ça moins de 24 heures après que les premières diffusions de Grandola Villa Morena ont eu lieu. Donc c'est une révolution rondement menée, si je puis dire, qui n'a d'ailleurs pas été très sanglante. La DSG a certes ouvert le feu à plusieurs reprises, mais il n'y aura en tout et pour tout que 4 morts et 45 blessés. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle cette révolution la révolution des œillets? Eh bien parce que c'était la saison, on est en avril, et vous savez, sur les marchés du Portugal, à ce moment-là, il y avait énormément d'œillets, notamment ces œillets rouges, dont la population s'est emparée pour fleurir les militaires, leurs fusils. L'œillet rouge est devenu le symbole de ce 25 avril, de ce 25 d'avril. J'ai essayé de le dire à peu près comme il faut. J'ai déjà dit bonjour à Elena Morna. Bonjour Victor Pereira. Bonjour. Alors pardon, vous aussi, hein, pour les petites erreurs de prononciation. Cette révolution des œillets, en fait, elle a été célébrée, bien sûr, il y a quelques jours au Portugal, mais elle a été célébrée dans un climat relativement morose. Et si j'en crois les messages que nos auditeurs nous ont fait parvenir avant le début de cette émission, ça n'est pas tellement la fête au Portugal pour ce 40e anniversaire. Loin de là, le 40e anniversaire a donné lieu à une sorte de débat, de regard rétrospectif sur les 40 ans de démocratie et beaucoup de mots qui existaient au Portugal avant le 25 avril et qu'on pensait qu'ils allaient disparaître avec la démocratie sont réapparus. C'est-à-dire que le chômage a atteint 18% il y a quelques mois. De nouveau, l'émigration massive touche le Portugal. On pensait que l'émigration était causée par la dictature, par le manque de liberté, par ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la sous-industrialisation du pays. Et en 2012, il y avait 120 000 Portugais qui ont dû quitter leur pays. Où vont-ils maintenant, les jeunes Portugais? Ils vont à la fois en France, en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne. Au Luxembourg aussi. Au Luxembourg, oui. Beaucoup. Un cinquième de la population presque est portugaise ou d'origine portugaise. Au Brésil aussi, parce que la langue est portugaise. Et aussi, quelque peu, en Angola, qui connaît depuis quelques années un boom économique assez extraordinaire. Et donc, ce 40e anniversaire a montré toutes les limites de la situation actuelle. Et en plus, là, la Troïka, donc la BCE, le FMI et l'Union européenne, qui ont imposé, avec le gouvernement actuel de centre-droit, des mesures assez drastiques de coupes dans les dépenses sociales et d'augmentation de certains impôts. Donc on établit une véritable comparaison, enfin c'est ce que disent nos auditeurs et c'est ce que vous avez l'air de confirmer, entre le régime post-Salazar d'avant 1974 et la situation actuelle, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de la situation actuelle qui sont identiques, c'est vrai. Après, le Portugal est toujours une démocratie, il y a des élections, il y a des partis politiques, mais effectivement certaines choses, une grande partie de l'opposition sous le temps de Salazar disait notamment face à la phase d'immigration, c'est la faute de la dictature. Les gens partent si nombreux, rien que pour la France 900 000, entre 57 et 74, s'ils partent si nombreux, c'est que la dictature ne permet pas aux gens de vivre de façon honnête, de façon digne dans leur pays. Et là, de nouveau, il y a une grande vague migratoire, même constat. C'est-à-dire que le régime actuel, non pas qu'il soit une dictature, mais ne permet pas à la population de vivre dignement dans son pays. En même temps, on constate une émigration de plus en plus extraordinaire des jeunes Français. Et pour l'instant, on ne parle pas non plus de dictature. Mais bon, vous aviez... Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de vous demander ça d'ailleurs, Elena. Si, en 74, j'avais 6 ans. Vous vous rappelez ça? Bah, je me souviens effectivement de l'effervescence que je savais que papa était ici de façon clandestine. Il avait lui fui les guerres coloniales. Il faisait un peu de politique dans l'université où il était à Coimbra. Et puis donc il avait été repéré, il a été un peu emprisonné et il a pu fuir. Donc effectivement, je me souviens d'une matinée où papa a explosé de joie, nous parlait de liberté, de parfum de liberté, et le 1er mai, effectivement, il est reparti tout de suite là-bas pour fêter le 1er mai au Portugal. Et ce dont je me souviens aussi, c'était que c'était effectivement le début des absences de mon papa répétées, puisqu'il n'a pas arrêté depuis lors de retourner dans ce pays dans lequel il n'avait pas le droit d'aller. D'ailleurs, quand je rencontrais mes grands-parents, c'était à mi-chemin, c'était dans les Landes ou au Pays Basque, puisque eux avaient le droit de venir, mais lui n'avait pas le droit de retourner là-bas. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que c'est vrai, il y a 2 ans, c'est le premier ministre portugais qui a carrément appelé les Portugais à quitter leur zone de confort, un appel à l'émigration, partez, allez voir ailleurs, comme c'était le cas effectivement dans les années 60. Voilà ce que disait Mario Suarez. Au moment de la Révolution, on était même avant l'installation définitive du nouveau régime, du nouveau gouvernement, il était, vous allez voir, pour le moins lucide sur la situation. Maintenant, les grands problèmes vont commencer. J'ai fini hier mon discours à ce meeting en disant, camarades, aujourd'hui c'est la fête, c'est la victoire, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'ordre, une ordre librement consenti et faite pour nous. Mais demain, il faut commencer à travailler. Est-ce que plus jamais la dictature reviendra au Portugal ou est-ce qu'il y a encore des risques? On ne peut pas faire des prophéties pour l'avenir de ce genre-là. Bien sûr qu'il y a des énormes risques parce qu'il y a d'énormes difficultés. Il faut travailler, travailler vite. C'est le 15 mai 1974 donc, que Spinola devient président de la République avec Vasco Gonçalves comme Premier ministre. Et les élections ont lieu le 25 avril 75 avec une énorme participation, hein, pas très loin de 100% de la population qui va voter, c'est extraordinaire. 92%, vous imaginez? Ça nous fait rêver, nous, ça, bien entendu. Et le Parti Socialiste recueille 38% des voix, suivi du Parti Populaire Démocratique, donc de centre-droit, avec 25% des suffrages, puis du Parti Communiste avec 12,5%. Donc on a envie de dire un paysage politique assez normal et classique par rapport au reste de l'Europe, malgré ces 50 années quasiment, même un peu plus finalement, de régime autoritaire et non pas totalitaire. Tiens d'ailleurs, peut-être une précision, je lisais en préparant l'émission, j'ai lu plusieurs fois le terme totalitaire. On peut quand même pas dire que le régime de Salazar ait été totalitaire. Beaucoup de débats sur cette question Pereira. En Portugal, de savoir notamment si le salazarisme était un fascisme ou pas. Il y a évidemment un arrière-fond politique, car si des historiens disent que ce n'est pas fasciste, d'autres historiens vont dire que c'est une banalisation du régime. Mais ce qui est vrai pour ce qui est la question du totalitarisme, comme vous l'avez un peu présenté tout à l'heure, Salazar ne tenait pas à mobiliser toute la population, notamment à mobiliser toute la population des campagnes. On n'a pas cherché à créer un homme nouveau. Le régime salazariste s'est appuyé sur les forces traditionnelles du pays, c'est-à-dire l'Église catholique, qui a en grande partie appuyé le régime, sur l'armée et les notables ruraux. C'est-à-dire les grands propriétaires, les industriels ont été les grands cadres. Et il faut rajouter évidemment la PIDE, la police politique, qui a diffusé un sentiment de peur dans la population. Mais il n'y a pas eu une volonté de modifier complètement la vie des Portugais. Tant qu'ils ne dépassaient pas une certaine ligne politique et qu'ils ne se mettaient pas en politique, on les laissait tranquilles. Finalement, si on devait comparer, c'est toujours très difficile d'établir des comparaisons entre les dictatures, mais c'était plus proche de Franco que de Mussolini d'une certaine manière. Après, ce qui est très difficile avec ce genre de régime, c'est qu'ils ont évolué, comme ils sont restés longtemps au cours de l'époque. C'est-à-dire que même Franco, il y a eu une phase très dure au début. Et ensuite, il y a eu une ouverture du franquisme à partir de 59, surtout 60, avec une ouverture. Donc, il est toujours très difficile de faire des comparaisons, parce que les régimes ont évolué en fonction de différents éléments. Le personnage est très singulier, le personnage d'Oliveira Salazar. Je lisais donc moi ces interviews là qui étaient complaisamment transcrites à l'époque, dans les années 50 et 60, mais on a l'impression d'une sorte de bon papy qui veille sur son pays comme sur sa famille. Hein. C'est un peu ça l'idée. En tout cas, c'est l'image que lui voulait donner. Hein. C'est l'image qu'il donnait. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'avait pas d'épouse, ce qui est vrai, il ne s'est jamais marié. Et la propagande disait qu'il s'était marié avec la patrie, qu'il s'était sacrifié pour le pays, pour le bien-être du pays. Donc on montrait un Salazar qui ne dormait pas ou qui dormait très peu, parce que toujours attelé aux affaires de l'État. Mais on sait, les historiens l'ont appris par la suite en regardant sa correspondance, qu'il a eu différentes maîtresses, des aventures, notamment avec une journaliste du Figaro. Garnier. Qui, voilà, exactement. Mademoiselle Garnier, ou Madame Garnier d'ailleurs. Oui. Et ça, c'était occulté, c'était caché. Parce qu'on ne pouvait pas montrer un Salazar à la fois qui s'intéressait à la gente féminine, alors il s'y intéressait, et d'autre part, montrer l'idée qu'il avait une vie privée. Il n'avait pas de... La propagande voulait qu'il n'ait pas de vie privée. Et vous utilisez la métaphore de la famille, effectivement, il se représentait comme le père de tous les Portugais. Et comme un père, ce ne sont pas les enfants, ce n'est pas l'épouse qui va élire le père, il gouverne pour le bien-être de ses enfants. Ce qui est intéressant, c'est que ces dictateurs sont, si j'ose dire, des technocrates, que ce soit Salazar ou son successeur Caetano, d'ailleurs, qui lui aussi est un prof de droit. On a affaire à des professeurs au pouvoir. C'est souvent dangereux, ça, d'ailleurs, entre nous. Mais bon. Tout à fait. Une grande partie du gouvernement était constituée de professeurs d'université. À la fois Salazar, qui était professeur d'économie politique, qui venait d'un milieu très pauvre, et normalement, Salazar n'aurait jamais dû, étant donné ses origines sociales, n'aurait jamais pu arriver à l'université de Coimbra, qui était l'université prestigieuse, qui vient du Moyen-Âge, qui était la seule université du pays. Sauf qu'il est passé, il était assez bon élève, il est passé par le séminaire, et c'est via l'église catholique, via certaines institutions, qu'il a pu aller à l'université. Et Marcelo Caetano venait aussi d'un milieu modeste, lui était né à Lisbonne, et devient lui professeur d'économie de droit, pardon, et est un grand maître du droit portugais. Pourquoi la Révolution a-t-elle attendu si longtemps? Pourquoi du vivant de Salazar ne voit-on pas émerger un véritable mouvement révolutionnaire? Il faut attendre Caetano, et d'ailleurs un Caetano lui-même très affaibli par le deuil, par la maladie, par bien des problèmes. On peut dire que le régime qui est renversé en 1974 était complètement déliquescent. En fait, le long des 48 années de la dictature, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État. D'une part, dès 1927, il y a des tentatives des républicains de revenir sur le coup d'État de mai 1926. Puis, en 1945, il y a des grands mouvements populaires après la victoire des démocraties sur le fascisme et le nazisme. Et ensuite, il y a d'autres coups d'État militaires, notamment, et un coup d'État militaire, notamment en avril 1961, où rien que moi, que le ministre de la Défense nationale et la plupart des ministres militaires tentent un coup d'État contre Salazar. Ils s'apprêtent à le destituer. Ils ont l'aide de l'ambassade des États-Unis au Portugal, qui veut mettre de côté Salazar, pensant qu'il est trop vieux et qu'il ne réglera pas le problème des colonies, ce qu'il ne fera d'ailleurs pas. Et donc, ils s'apprêtent à destituer Salazar. Et Salazar, en fait, les destitue avant qu'il soit destitué. Donc, en fait, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État militaire, mais qui ont échoué. Alors, il fallait le préciser, ça, parce que ne serait-ce que pour la mémoire de tous ceux qui ont essayé. Dans un instant, nous allons parler de la principale conséquence de cette politique de Salazar, c'est-à-dire cette émigration massive et toute la façon dont ça s'est passé en France notamment. Vous êtes tous les trois des représentants, chacun à votre manière, des représentants de cette immigration massive vue de notre côté. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Que a minha mão surgiu de entre o silêncio obscuro e com cuidado guardou lugar à flor da primavera e a tudo. Manhã de abril e um gesto puro coincidiu com a multidão. C'était Madre Deus sur Europe 1, un extrait de la bande originale Capitaine d'Avril. Vous nous parlez cet après-midi dans Cœur de l'Histoire, Franck Ferrand, de la Révolution des œillets à l'occasion cette année de son 40e anniversaire, avec vos invités Victor Pereira, docteur en histoire à l'Institut d'études politiques de Paris, auteur de La dictature de Salazar face à l'immigration, L'État portugais et ses migrants en France 1957-1974 aux éditions Les Presses de Sciences Po, et Helena Morna, animatrice sur Europe 1, fille du journaliste portugais Alvaro Morna, qui a écrit Saudade Cité, qui sera prochainement publié aux éditions Lusophone. Saudade Cité, c'est un beau récit que j'ai lu ce week-end. C'est un récit d'immigration, justement, Helena. Oui, qui raconte le parcours de plusieurs Portugais, effectivement, qui sont partis, en général les hommes en premier, qui partaient et qui trouvaient du travail. Alors, ils étaient très concentrés dans les villes de Bordeaux, Clermont-Ferrand, là où il y avait l'industrie automobile, mais aussi en région parisienne, Champigny ou Nanterre. Et puis, ils habitaient dans des baraques, hein, les fameux bidonvilles de Champigny ou de Nanterre. Et puis, une fois qu'ils avaient... Alors, ce qui est amusant, c'est que les petits villages du Portugal se sont reconstitués en France, puisque une fois que l'un était établi, ils faisaient venir toute la famille. Voilà, et c'est le parcours de certains, effectivement, de quelques Portugais, quelques immigrés, qui sont arrivés ici en ne maîtrisant ni la langue, en ne sachant pas ce qu'ils allaient faire exactement, qui se sont débrouillés. Et puis, c'est l'occasion de voir à quel point cette communauté, finalement, était très solidaire. Ils se sont vraiment aidés les uns les autres. Voilà, c'est bon, moi c'est mon papa qui l'a écrit, donc je suis forcément touchée et émue en parlant. Mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Moi, enfin, lui, papa m'avait toujours emmené dans la communauté portugaise ici en France. Alors c'était beaucoup dans les loges de concierges, mais il y avait le film La Cage Dorée qui retranscrit bien effectivement cette espèce de solidarité et d'attachement à la patrie, quoi qu'il arrive. Pourquoi cette spécificité des gardiens d'immeubles, c'est devenu quasiment une filière, hein. Oui, mais vous savez qu'elles se vendent très cher, les loges entre elles. C'était au départ, ce sont, comme on le disait Victor tout à l'heure, ceux qui sont partis, ce sont beaucoup ceux qui ont fui la misère. On n'en a pas parlé, mais il y avait beaucoup d'illettrisme au Portugal. Donc ils arrivaient en France, ils ne savaient ni lire ni écrire, ni le français, ni le portugais, et encore moins parler le français. Donc effectivement, c'était des métiers manuels. Donc on les trouvait à la papeterie de la Seine, là à Nanterre, où il y avait le bidonville à côté. On les retrouvait effectivement dans le ménage. C'est ce qu'on a appelé, je ne sais pas, vous serez d'accord avec moi, Victor, l'immigration positive. C'était des travailleurs discrets, tellement discrets que les Français, le gouvernement français s'est rendu compte très tard qu'ils vivaient dans des conditions finalement misérables. Ils arrivaient très discrètement, mais ils partaient aussi très discrètement, parce que l'un des signes distinctifs de cette immigration pourtant massive, c'est sa clandestinité, Victor Pereira. Tout à fait. Pour différentes raisons, le régime de Salazar n'a pas donné de passeport aux Portugais qui voulaient aller en France. Les paysans, les ouvriers ne pouvaient pas avoir de passeport, ni même de tourisme. Ils ne pouvaient pas quitter le pays comme cela. Et quand il y a eu le début de l'immigration vers la France dans les 50, le régime s'est durci sur cette question, a transformé l'immigration clandestine irrégulière en un crime. Et les gens qui étaient arrêtés pouvaient risquer jusqu'à 2 ans de prison. Les passeurs, eux, pouvaient risquer jusqu'à 8 ans de prison. Et donc les gens qui voulaient aller en France, qui savaient que des emplois les attendaient, qui savaient qu'ils pourraient travailler et gagner beaucoup d'argent. C'était les 30 glorieuses en France. Alors exactement. C'est tout l'inverse. Là, on avait, nous, besoin énormément de main-d'œuvre. Tout à fait. Ils savaient qu'ils allaient avoir de l'emploi. Et donc, il y avait des réseaux de passeurs qui s'étaient constitués, notamment basés sur les réseaux de contrebande. Et les gens étaient prêts à payer 15 000 escudos, qui à l'époque était une fortune, qui était remboursable en plusieurs mois. Et donc, les gens partaient. Donc, à la fois, il fallait quitter le Portugal clandestinement, parfois ne rien dire à ses proches, de peur d'être dénoncé. Ensuite, comme les gens n'avaient pas de passeport, ils étaient clandestins en Espagne. Et donc, il fallait traverser tout le territoire espagnol, se cachant de la police espagnole. Puis, il fallait, jusqu'en 64-65, traverser les Pyrénées à pied. C'est-à-dire, il y a des chemins, donc notamment le livre d'Alvaro Morna, le chemin de la liberté, qui va être bientôt traduit, si j'ai bien compris, raconte cela. C'est-à-dire que les gens passaient les cols, notamment dans les Aldudes, près de Saint-Jean-Pied-de-Port, pour ensuite se retrouver en France, et la plupart remontaient à Paris ou jusqu'à Clermont-Ferrand. Et donc, de ces 900 000 Portugais, 550 000, donc un peu plus à moitié, sont venus de façon irrégulière vis-à-vis du Portugal, de l'Espagne et de la France. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que le gouvernement portugais, en même temps, était plutôt soulagé de les voir partir. Parce que c'était interdit officiellement, mais dans la pratique, ça arrangeait les affaires sur un plan démographique et économique. Il y avait une très forte ambiguïté. C'est-à-dire que d'un côté, on ne voulait pas que les gens partent, parce qu'on considérait que la France était un pays dangereux. C'était une démocratie, il y avait le Parti communiste français, la CGT, il y avait des exilés qui essayaient de politiser les migrants. D'autre part, on ne voulait pas qu'il y ait l'immigration. Ça crée une sorte d'opposition en frontière, en fait. Exactement. On craignait que les gens, notamment la métaphore qu'ils utilisaient, c'était la métaphore de l'épidémie. Ces gens vont connaître l'épidémie de la démocratie ou du communisme et vont revenir. Et ces gens revenaient très fréquemment. D'autre part, les propriétaires agricoles ou les industriels ne voulaient pas de ces départs, parce que les salaires augmentaient. Et d'autre part, à l'époque, jusqu'en 74, qui fait l'exception portugaise, le régime disait, si vous voulez émigrer, partez dans les colonies, en Angola et au Mozambique. Ne partez pas en France, c'est un autre pays, partez en Angola, Mozambique. Donc d'un côté, on ne voulait pas qu'ils partent, mais de l'autre côté, comme vous le dites, il y avait beaucoup de pauvreté, il y avait beaucoup de misère, et ces gens qui partaient, et notamment clandestinement, ils partaient pour mieux revenir très souvent, pour acheter des terres, pour acheter une maison, pour acheter des tracteurs. Et donc une fois qu'ils étaient en France, ils travaillaient, ils étaient durs à la tâche, ils travaillaient longtemps, et ils renvoyaient une grande partie de leurs économies au Portugal. Et pour le Portugal, c'était très important, parce que ça permettait au Portugal d'avoir des devises pour ensuite acheter notamment des armes en France, en République fédérale allemande. Donc d'un côté, l'État portugais transforme ce mouvement en mouvement clandestin. Mais en fait, il y trouve un avantage que ces gens-là partaient sans papier, sans documents, s'étaient endettés, donc ils n'allaient pas faire de politique en France. Ils devaient rembourser les passeurs. Ils avaient extrêmement peur d'être perçus comme des subversifs et donc d'être arrêtés ou de voir leur famille avoir des problèmes. Et donc ces gens-là étaient vulnérables en France et renvoyaient une grande partie de leur salaire au Portugal. Ce qui arrangeait un peu cette sorte de problème portugais. Et il y a quand même un problème, c'est que aussi dans certains villages du nord, puisque beaucoup sont partis du nord du Portugal, on trouvait dans les années fin 60, début 70, plus aucun homme. C'est-à-dire qu'il y avait des villages sans hommes. Il n'y restait que des femmes, donc moins de travailleurs également. Donc ça posait aussi un problème pour le pays, Franck. Alors ça donnait aussi, parce que on ne peut pas considérer que le régime portugais fermait totalement les yeux, ça avait aussi des conséquences diplomatiques, il faut le dire. Alors on ne montrera peut-être pas, nous, là, maintenant, dans cet aspect. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au début, c'est une immigration très personnelle, très individuelle, qui va se transformer peu à peu en immigration familiale. Tout à fait. Au début, étant donné les conditions très difficiles du voyage clandestin, seuls les hommes, principalement, et quelques femmes, mais surtout les hommes, réussissent à faire des voyages et s'engagent dans des voyages qui pouvaient durer 2-3 semaines, des marches très longues la nuit, traverser les Pyrénées dans la neige. Il va y avoir un changement qui est dû à l'Espagne en 65. L'Espagne se rend compte que beaucoup de Portugais rentrent en Espagne clandestinement et qu'ils sont arrêtés, ils sont jugés, ils sont emprisonnés, puis renvoyés au Portugal. Puis, quelques mois plus tard, ils se retrouvent de nouveau clandestins en Espagne. Et donc les Espagnols se disent, pourquoi faire ce travail sans cesse? Et d'autre part, il y a un autre événement important. Un des principaux opposants à Salazar, le général Delgado, est assassiné par la PIDE en Espagne. Et les Portugais n'ont pas prévenu l'Espagne. Et donc l'Espagne va être mécontente de cet assassinat sur son propre territoire, qui peut ternir son image qui n'était pas déjà très brillante. Et donc l'Espagne, en 65, va prendre une décision qui est que tous les Portugais clandestins qui rentrent sur son territoire se voient concéder des sauf-conduits qui leur permet de rester 30 jours en Espagne, puis d'aller vers la France. Et ça va faire que les prix de l'immigration clandestine vont beaucoup baisser, qu'il suffit de traverser la frontière entre le Portugal et l'Espagne, qui n'est pas très bien surveillée. Et à partir de 65, et surtout à la fin des années 60, ce qu'on remarque, d'une part, c'est une augmentation de l'immigration. Il y a plus de 100 000 Portugais qui arrivent en France en 69, 70, 71, et une féminisation. C'est-à-dire que des femmes, des enfants ou des personnes âgées réussissent à venir irrégulièrement en France. Oui. Il faudrait évoquer toutes sortes d'aspects géographiques sur la répartition de cette immigration en France, etc. Mais on n'aura pas le temps de le faire ici. Ce que j'aimerais, c'est que vous nous disiez peut-être, Helena, un mot sur l'évolution du Portugal depuis lors. C'est-à-dire que la révolution, elle a lieu en 74. Il va falloir encore attendre une bonne dizaine d'années pour que le Portugal connaisse un véritable essor économique. Et puis, depuis quelques années, il est retombé dans une forme de léthargie dont vous nous parliez au tout début de l'émission. C'est vrai que le grand changement a eu lieu quand le Portugal est entré dans la communauté économique européenne en 86, et là c'est vrai qu'on a vu le Portugal transformé, construction des routes, des ponts, etc. Aujourd'hui, malheureusement, avec la crise depuis 2007-2008, c'est un peu de nouveau l'immobilisme. Merci beaucoup. Je vais vous repasser la parole dans un instant, Helena. Je rappelle que l'ouvrage de votre père, Alvaro Morna, s'appelle Saudade Cité, qu'il sera très bientôt disponible et qu'on peut lire aux presses de Sciences Po, La dictature de Salazar face à l'émigration de Victor Pereira. Merci à tous les deux. Dans un instant sur Europe 1, vous répondez, Franck Ferrand, à la question de Selma qui voudrait connaître l'origine de l'adjectif draconien. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Selma qui nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Selma voudrait connaître l'origine de l'adjectif draconien. Oui, draconien pour dire dur, inflexible. Ça vient de Dracon, qui était un législateur athénien du 7e siècle avant notre ère, qui avait eu la bonne idée d'instaurer une gradation dans les peines en fonction des crimes. Le problème, c'est que comme les plus petits crimes étaient déjà punis de la mort, notamment le simple vol, vous imaginez bien qu'est-ce que vous voulez faire de pire. D'ailleurs, Dracon aurait dit lui-même, les plus petites fautes m'ont paru dignes de la mort, alors je n'ai pas trouvé d'autres punitions pour les plus grandes. C'est-à-dire, c'était la mort pour tout le monde. Vous comprenez pourquoi on dit draconien.